Chapitre 22e. Brève idylle. Accoudée à sa fenêtre, Millicent cherchait encore un bruit qu'elle n'entendait plus, le bruit évanoui d'un pas qui s'éloignait sur la chaussée du charret Camel. L'aube descendait de la montagne, les mains chargées de pure lumière. Elle éteignait les dernières étoiles, tous les feux brûlants qui s'allument la nuit, au ciel et dans les veines des créatures du soir. L'aube apportait l'éclair aigu de la réflexion, cette lucide vision de nous-mêmes que nous avons aux premières minutes du jour, dans l'instant où l'âme se voit nue au miroir de la conscience, avant que renaisse le tumulte des passions, des illusions, des sollicitudes qui vont la reprendre. Durant ce court instant, Madame Fianona revit toute la suite de son existence. Longue trame grise, jusqu'à une époque toute récente, prolongement de l'enfance dans la paix d'un cœur inéveillé. Jeune femme ignorante de l'amour, elle regrettait la douceur de ses premières années. Elle rêvait, très vaguement, de bonheurs inconnus qu'elle ne se définissait pas. Un jour, le monde s'était ouvert devant elle comme un fruit mûr. Lorsqu'elle s'échappait de Buenos Aires, libre, lasse de végéter, désireuse de vivre toute sa vie de femme. Deux hommes lui avaient donné l'envie de leur plaire et la confiance qu'elle y réussirait. Elle avait balancé d'abord entre ces deux attractions opposées. Maîtresse encore d'elle-même, elle raisonnait, comparait, jugeait avec sa pensée. Bientôt le choix des instincts obscurs s'était fixé sur l'un de ces hommes. L'autre l'intéressait, comme un sommet curieux et dangereux qu'elle eût voulu gravir. Elle savait, elle pouvait dire ce par quoi il l'attirait. Elle ignorait quel sortilège l'inclinait vers celui-là seul, qu'elle imaginait délicieux, et qu'il appelait d'une voix reconnue, entendue depuis le berceau dans toutes les promesses de ses rêves. Il lui souvenait du moment précis où ses hésitations avaient pris fin à José. Là, son cœur s'était rendu, sa personne s'était refusée. Forte encore de tous les scrupules d'une âme fière et pure, de toutes les défenses d'une raison arrêtée par d'insurmontables obstacles, elle avait craint de briser l'avenir de l'homme aimé, de lui imposer un sacrifice bientôt suivi d'amers repentirs. Et plus tard, c'était elle-même qui avait secrètement maudit son courage, dans les souffrances de la séparation, du malentendu, de l'abandon. Nouvelle et pire dépression de sa vie à un moment exalté, écrasement définitif de cette vie dans l'irrémédiable misère. Défaillante sous un poids trop lourd, elle avait accepté passivement la fatalité d'un retour à son ancienne destinée, à la solitude intérieure dans la prison dorée d'un mariage sans amour. Elle allait s'y résigner. La rencontre avec Louis avait réveillé cette volonté d'être heureuse qui se rendormait en elle. Il avait suffi d'un instant, du souffle d'orage qui chasse les eaux tranquilles contre la digue qu'elles emportent. Énervée par la traîtresse journée de Khamsin, exaspérée par la persistance d'un odieux soupçon, prise d'une folie de soumission à l'homme qui la repoussait durement, elle s'était jetée à lui, inconsciente de son acte. Maintenant, à la minute des clairvoyances matinales, Millicent ne se reconnaissait plus. Elle se demanda si c'était très mal ce qu'elle avait fait. Comme un nuage noir qui eût fondu sur elle dans le rose sourire de cette aurore, elle vit nettement, d'un seul regard, toutes les menaces de l'impossible lendemain. Elle ferma les yeux, les couvrit de ses deux paumes, d'un geste qui lui était habituel. D'autres images envahirent aussitôt sa mémoire, lui rapportèrent des troubles dont tout son être frémit. La cruelle minute des reprises de conscience avait fui sans retour. Le temps d'un frisson, au passage de la vision noire, ce fut tout. L'instant d'après, l'amoureuse était reperdue dans son bonheur, enivrée par le flot des souvenirs. Qu'importait ce qui adviendrait d'elle? L'avenir, c'était l'heure de ce jour naissant, qui continuerait celle de l'ineffable nuit. Une encore, une seulement, dut-elle mourir le lendemain de honte et de chagrin. Ce qui avait été ne pouvait plus ne pas être. Une superbe confiance succéda brusquement aux affres. Confiance en lui, confiance en elle-même, ils s'aimaient, ils sortiraient tous deux de l'impasse. Elle se sentit soulevée par la plénitude de sa félicité comme par une force neuve, triomphante, qui vaincrait toutes les difficultés. Bientôt elle ne pensa plus qu'au moment où elle le reverrait. Ce matin même, dans la mosquée du Mouyayad, Elle avait voulu qu'il vînt la retrouver dans l'asile de ses méditations solitaires. Elle se mit à sa toilette. Devant son miroir, elle se trouva belle d'avoir été aimée par lui. L'heure impatiemment appelée sonna, mais les scènes sorties pour aller rejoindre Louis. Le jeune homme l'attendait sur la margelle de la fontaine. Pour lui aussi, tout ce qui n'était pas cette femme avait subitement disparu du cercle d'horizon, cercle rétréci à la mesure d'un seul être, puis agrandi pour laisser rayonner les projections de cet être dans tout le champ de l'infini. La terre et le temps n'existaient plus qu'à la place et pendant la minute où il voyait les yeux candides, où ses baisers recueillaient sur leurs paupières l'âme qu'il sentait tout entière en son pouvoir. Louis était de nature inquiète, ombrageuse, mais sincère et droite. Il se reprochait amèrement sa longue cruauté, le soupçon imbécile qui avait meurtri la pauvre femme. Il savait maintenant combien elle était digne d'adoration. Dans chacun des mots, des regards, des gestes où Millicent se donnait, il avait pu deviner l'être de vaillance et de dévouement pour qui l'amour n'est qu'une forme du sacrifice. Il se comparait, lui, l'homme égoïste et grossier, à cette créature d'essence supérieure qui traversait les flammes de la passion comme celle d'un holocauste, parfaitement oublieuse d'elle-même dans l'humble offrande d'un trésor dont elle paraissait ignorer la valeur. Il demeurait confondu, le cœur débordant de gratitude, d'admiration pour la femme qui sortait grandie de l'épreuve où tant d'autres s'abaissent. Il se répétait « Que suis-je à côté d'elle et par quoi l'ai-je mérité ?» Telle qu'il l'évoquait depuis longtemps à la fontaine d'El Mouyayad, elle émergea du seuil d'ombre, entra dans la lumière qui auréolait sa robe blanche sur l'éclatante blancheur du parvis. Avec un air d'être chez elle dans ce lieu, reine des beautés anciennes et des grâces vivantes. Colonnes, feuillages, oiseaux, balancements de palmes et battements d'ailes dont il semblait que son pas rythmât la symphonie. Elle vint s'asseoir aux côtés de Louis, sous les branches du sycomore, dans le tremblement des reflets de l'eau qui frissonnait sur son corsage. Elle lui prit les mains, avec un ravissement dans son regard qui disait « C'est vous, vous encore, vous ici. Ce n'était donc pas un rêve cette nuit ?» Par-dessus les hautes murailles, le bruit des foules extérieures arrivait indistinct, très lointain, comme d'un autre monde. Juste assez pour faire plus sensible le recueillement et la vie particulière de l'enclos des ruines. Vie légère, qui palpitait sur les choses décrépites et charmantes. Les tourterelles rousses emplissaient la cour de leur vol et de leur roucoulement. Par les blessures des plafonds troués, les rayons perpendiculaires plongeaient entre les colonnes de la Kebla. Leurs pinceaux ranimaient les couleurs éteintes dans l'ombre du sanctuaire, sur les émaux à fleurs et les marbres des revêtements. Le mendiant choisissait, sous le figuier, la place où il s'accroupirait tout le jour pour ne penser à rien, pour jouir du seul bien qu'il posséda, l'aise des yeux et de tous ses vieux membres dans la tiède clarté. « Voyez, disait-elle, ces palmes sont des harpes. La lumière y compose des harmonies. Je voudrais les transcrire pour vous les jouer. » Elle vous dirait tout ce que j'ai ressenti quand je vous appelais ici. Entendez-vous ce murmure de vieille prière, et comme il implore sur nous un peu de miséricorde ? Elle expliquait, avec son intuition subtile de l'âme des choses, les correspondances secrètes entre le génie de ce lieu et les aspirations qu'il éveillait en elle. Millicent obéissait au sentiment instinctif qui nous fait essayer la sensibilité de l'être aimé sur les aspects de beauté que nous préférons, afin de nous convaincre qu'elle est bien accordée, qu'elle vibre à l'unisson de la nôtre sous les mêmes impressions. Et les paroles de l'amour lui étaient plus douces à entendre dans le royaume qu'elle avait peuplé de ses pensées tristes alors que son chagrin venait s'isoler à El Mouyayad. Il en fut de même dans le jardin de Rhoda. Elle l'y conduisit à la fin de la journée. Elle le retint longtemps à sa place favorite, au pied d'un jujubier penchant sur le fleuve près d'une saquillée. C'est la roue élévatrice des eaux du Nil, l'organe primordial et symbolique de toute la vie de l'Égypte. Vie perpétuellement puisée dans la grande veine nourricière, reversée sur la terre par les chapelles de godets qui tournent sur ses roues tout le long de la vallée. « Que deux fois, dit-elle, j'ai recherché ici l'image de mes jours, leur recommencement monotone et leur écoulement inutile. Je croyais les voir tourner devant moi, avec ses pots d'argile ou ses gouttes d'une eau grise qui va se perdre. » Regardez, Elle n'est plus grise ce soir. Elle monte, joyeuse, chantante, avec des reflets d'azur, l'eau qui nous désaltera toujours. Ils gagnèrent la pointe de Roda, cet éperon de l'île dont Millicent avait souvent interrogé l'horizon du sud, les marques descendantes qui apporteraient peut-être, de là-bas, quelque chose de l'absent. Elle fut heureuse de voir Louis séduit par ce qu'elle aimait tant, l'enchantement vespéral du Nil, la poésie des belles passantes silencieuses, ses longues voiles effilées, palpitantes, sur les dents habillées comme des ailes de courlis, emportées au fil du fleuve d'un glissement si noble et si doux. Mais, plus que les voiles, il admirait le jeune corps qui se dressait devant lui sur la berge, dans le cadre d'argent assombri, dans la gloire de ce ciel clair qui épure et grandit toutes les formes. Il pensait, il lui disait, « Vos sœurs qui passent, et qu'il faudrait presque aimer comme vous, tant il la voyait pareille, dans le port et dans la démarche, à ces hautes grâces mobiles qui ramassaient les clartés éparses sur les eaux où elles promenaient leurs ombres. « Je veux bien que vous aimiez les voiles, » répondait-elle. « Je ne veux pas que vous aimiez Myrite. Avouez que vous l'aimez plus que moi, parce qu'elle a plus de mystère. » Il souriait. « Une morte. » « On peut être jalouse d'une morte, » fit-elle gravement. Le matin, à la mosquée, elle lui avait demandé, d'une voix anxieuse et suppliante, « Louis, c'est bien vrai que vous ne pensez plus à partir sur le bateau de ce soir. Chère folle, en aurais-je le courage ? Le bateau qui me ramènera en France ne m'y ramènera qu'avec vous, je vous le jure. » Ce fut la seule allusion qu'ils firent à l'avenir au cours de cette journée et de celles qui suivirent. Ils échangeaient à toute heure les serments de s'aimer toujours. Où, comment, ni l'un ni l'autre n'osaient y penser et le dire. D'un accord tacite, ils ne projetaient rien. Ils fermaient les yeux devant ce trou noir. Demain, comme les enfants ferment les leurs, par peur du vertige, au bord d'un précipice. Ils s'efforçaient de retenir éperdument l'heure présente et de se persuader qu'elle ne finirait jamais. 3 jours s'écoulèrent ainsi, remplis par les idolâtries passionnées des soirs, par les émerveillements des promenades dans la ville sarrasine, dans la campagne, aux confins du désert. Ces pittoresques visions d'Orient, qui ne sont pour le voyageur ordinaire qu'agréables et curieuses, la magie de l'amour les métamorphosait pour eux en splendeurs incomparables, uniques dans le monde. Sur les lieux, sur les choses, elle étendait cet or divin qui en fait notre trésor personnel, éclatant plus tard dans le souvenir, toujours reflété dans des yeux qui furent nôtres. Si bien que de bonne foi nous haussons les épaules quand d'autres s'extasient et prétendent qu'ils ont revu ce que nul n'a pu voir après nous, ce qui n'existe plus pour les demi-aveugles qui ne voient pas à travers ces mêmes yeux. 3 jours passèrent dans le rêve ininterrompu, rapide comme une minute, minute d'ivresse, où les deux amants auraient perdu le sentiment de la vie ambiante et même l'appréhension du réveil du lendemain. 3 jours sans autre contrainte que les repas à l'hôtel Shepherd. Sur les instances de Millicent, Louis était revenu s'y établir. Il avait pris place à la table où se réunissait la société de Madame de Lovrin. Façon d'agir toute naturelle et dont ne pouvait guère se dispenser l'ancien camarade de Christian, l'hôte reçu dans l'intimité de José. Très naturelle aussi l'explication qu'il donna d'un mot lorsqu'il se représenta devant la duchesse le lendemain du jour où il l'avait rencontrée aux Pyramides. Des lettres de France trouvées au Caire lui permettaient de prolonger son voyage. Mais on jugea moins naturelles ces courses prolongées avec Madame Fianona. Sauf aux heures des repas, le couple était toujours absent. On lisait d'ailleurs sur leur visage ce bonheur rayonnant qui ne sait pas se dissimuler, qui dédaigne et ne voit plus un monde dont il fait l'entretien. Les langues se délièrent vite, allèrent leur train. Celle de Louise de Banleuse ne ménagea pas Millicent. En a-t-elle une santé ? La semaine dernière, presque officiellement fiancée à Robinson, elle faisait sa tête, nous nous fendions déjà pour garnir la corbeille. L'amoureux milliard tourne les talons et la voilà qui s'affiche avec son officier. Il ne se donne même pas la peine de sauver les apparences, ils disparaissent ensemble du matin au soir. Et je ne voudrais pas répondre que du soir au matin. Nous allons rire au retour d'Archibald. À moins qu'il ne trouve cela tout simple, comme Peg, comme ces Américaines. et le monde est si sévère à d'autres. Pour quelques insignifiantes coquetteries, quelle société, mon pauvre ami !» Le pauvre ami, M. de Banleuse, approuvait d'une grave inclination de sa belle tête césarienne. Madame de Lovrain ne trouvait pas cela tout simple, mais elle n'émettait point d'appréciation. Froide et réservée d'abord avec le capitaine, elle lui en voulut. Elle en voulut à Millicent d'un rapprochement qui ruinait ses combinaisons. Robinson ne se ferait plus écouter. La duchesse en eut vite la certitude. Elle connaissait trop son amie pour garder à cet égard la moindre illusion. Conduite parfaitement déraisonnable, estimait Peg. Le soir même du jour où Tourneau elle reparut au Shepherd, elle entreprit amicalement celle qui l'y attirait. « Ainsi, tout est changé. Vous renoncez à mon malheureux ami Robinson ?»« Pourtant, » ajouta-t-elle en prenant la taille de sa compagne, « si j'ai bien lu dans ce petit cœur capricieux, sa cause était presque gagnée. » Quelques semaines plus tôt, Millicent se fut peut-être laissé aller à des confidences sans réserve. Mise en défiance et un peu blessée par la pression de son entourage, elle retint l'aveu le plus difficile, ne dit pas qu'elle avait avec Louis les derniers engagements. Sa réponse n'en fut pas moins catégorique sur ses intentions. Monsieur de Tournoël, un instant égaré par de faux rapports, lui était revenu avec des sentiments aussi vifs que par le passé. Elle n'avait pas varié. Si incertain que fût leur avenir, elle se gardait tout au seul homme qu'elle aima, et il serait désormais inutile de lui parler en faveur de Robinson. Peg revint une dernière fois à la charge. « Je ne vous comprends pas, et peu de femmes vous comprendraient. Laissons de côté les avantages de la magnifique situation que vous sacrifiez. Archibald a pour vous un attachement dont toute femme serait fière, vous le savez foncièrement bon, vous paraissiez très séduite, il n'y a pas si longtemps, par les facultés qu'on admire chez ce fort entre les forts. Et vous lui préférez un officier de fortune, soit dit sans mauvaise plaisanterie sur sa pauvreté, qu'une aventure sans lendemain a fait mousser un moment, un homme qui s'est très mal conduit envers vous. Cher, c'est vous, une femme, qui me parlez ainsi? Vous devriez deviner ma réponse. Eût-il fait 100 fois pire, il est lui. Cela répond à tout, et tous les autres ne me sont, ne me seront jamais rien. » À la flamme qui passa dans les prunelles de Millicent, au trouble dont elles s'emplirent, Madame de Lovrain soupçonna qu'on ne lui disait pas tout. Elle comprit d'instinct qu'elle opposait un raisonnement à un délice et que ses arguments ne portaient plus. « Puisqu'il en est ainsi, fit-elle, je ne dirai plus un mot. Va pour le capitaine. Il ne reste qu'à reprendre nos idées de je sais. » « Attachez de vous aider dans les difficultés où vous vous jetez tête baissée. Comptez sur moi, ma pauvre petite. » Le bon sens pratique de l'Américaine souffrait, mais il n'avait rien d'obtus. Il était éclairé par une intelligence avisée des diversités de nature. Elle savait qu'il est absurde de vouloir imposer à des gens qui en font peu de cas la sorte de bonheur qu'on leur souhaiterait. Sa folle amie se faisait une fausse idée de la vie. Elle repoussait une chance inespérée, c'était regrettable. Mais chacun doit agir selon son idée, sous peine d'être parfois très malheureux, dans la condition où d'autres trouveraient leur joie. Peg avait le respect inné de la liberté d'autrui, sentiment tout contraire à celui de Madame de Badeleuse, excellente Française, qui supportait avec peine qu'on laissât quelque liberté à son prochain. La sage conseillère avait fait ce qu'elle croyait de son devoir en essayant de guider sa protégée. Il n'y avait plus qu'à suivre cette obstinée où elle voulait aller, à veiller sur elle. Dès lors, la duchesse s'affecta de trouver tout simple ce dont on glosait. Elle ne manqua pas une occasion de couper court aux malins commentaires provoqués par les imprudences de Millicent. Peg était la moins romanesque des femmes, mais n'ayant rien à se reprocher, elle était indulgente et brave, toujours prête à couvrir une amie dans le danger. Ils ne s'inquiétaient guère des propos méchants, les deux amants absorbés dans leur contemplation réciproque, dans l'unique souci de découvrir l'un chez l'autre des raisons nouvelles de s'adorer. Chaque entrevue leur en apportait de plus persuasives, et qui faisait leur passion plus enivrée de sa force, plus étrangère à tout ce qui n'en était point l'aliment. Le soir du troisième jour, était-ce bien le troisième? Il n'aurait pu le dire, il ne les comptait plus. Millicent voulut revoir le berceau de leur bonheur, les tombeaux des califes. c'était l'instant rapide du crépuscule d'Égypte. Enveloppés déjà dans les premières voiles de la nuit, les dômes blanchirent encore une fois, à la minute où il semble que le jour mourant se relève d'un dernier sursaut pour donner un grand baiser d'adieu à la terre. Puis, dômes et minarets sombrèrent dans les ténèbres, si subitement que la jeune femme en demeura saisie. « Oh Louis, la nuit est tombée sur eux comme un suaire. J'ai le pressentiment que nous ne les reverrons plus. Qu'importe si je vous revois toujours. « Qui sait ? » fit-elle, en tressaillant au cri soudain d'un chacal, glapissement plaintif venu des cavernes du Mokattam. Elle frissonna de nouveau, sous un coup de vent très frais, souffle de quelques brises marines qui remontaient le Nil. « Pour la première fois, j'ai eu froid en Égypte. » Il se hâta de l'emmener. Sur la route, ils parlèrent peu. Des pensées les envahirent, qu'ils devinaient pareil et qu'ils hésitaient pourtant à se communiquer. Nouveauté qui les fit doublement tristes. À l'hôtel, Mélicène trouva toute la petite bande réunie dans le hall. On tenait autour de la duchesse un conciliabule animé. « Votons, disait Peg, il faut se décider. »« Quel dommage, soupira l'amie américaine. Le pacha nous avait promis une belle fête dans son palais de Gésiré pour lundi soir. Et il devait me montrer les chevaux qu'il a reçus du Nedjed, ajouta le duc. « Bon, s'écria Louise, nous nous faisions déjà vieilles dans cette vieille Égypte. Et Paris nous pleure. Nous n'aurions, dit-on, qu'un mauvais bateau la semaine prochaine. On est si bien à bord du Neptune. » « Alors, c'est voté, on part, » conclut Madame de Lovrin. Elle aperçut Mélicène qui rentrait, elle l'appela d'un signe, tira de sa poche une dépêche. « Lisez, une bombe !» Madame Fianona lut le télégramme d'Alexandrie ainsi conçu. « Affaires urgentes me rappellent en Europe. Mon Neptune prendra la mer demain soir à 5 heures. Désolé de presser votre départ. Je veux espérer que rien ne vous retient au Caire et que vous me ferez le plaisir de rentrer en France à mon bord, tous et toutes. Joey va chercher et me rapportera vos ordres. Archibald. » La duchesse avait vu Joey peu après la réception du télégramme. Le secrétaire venait régler des notes, des affaires laissées en suspens dans les bureaux du Caire. Et il devait convoquer pour le lendemain, à Alexandrie, quelques personnes que M. Robinson désirait voir avant son départ, entre autres Jérôme Cruas, Joseph Yabès. « Mon bon Joey, lui avait dit Peg, peut-on vous demander quelles affaires urgentes rappelle Archibald ? Rien de fâcheux, j'espère. » « Je ne sais, madame. Je suis étonné. Monsieur ne m'en a rien dit. » « Une question encore. » Robinson savait-il que le capitaine de Tournoël nous est revenu ? Oui, avait répondu l'Irlandais sans malice. Quand monsieur m'a dicté la dépêche pour vous ce matin, il venait de recevoir un billet de madame de Banleuse au sujet d'une des affaires dont s'occupe le mari de cette dame. Je crois me souvenir qu'il y était fait mention incidemment de l'arrivée du capitaine. C'est bien, merci, Joey. Peg était instruite de ce qu'elle voulait savoir et fixée sur l'affaire urgente qui précipitait leur départ. Elle n'en dit rien, hein, Millicent, mais du regard, encore plus que des lèvres, d'un regard scrutateur, chargé d'inquiétude et de commisération, elle interrogea l'ami qui lui rendait le papier d'une main tremblante. « Et vous, cher, quel est votre avis ? » ?»« Nous pensons que ce serait un mauvais procédé envers Archibald de lui fausser compagnie pour prolonger de quelques jours, et il nous paraît plus pratique de rejoindre demain notre confortable Neptune. » « C'est indifférent, je n'ai pas d'opinion, » balbutia Millicent avec des mots qui sortaient à grand-peine de la gorge étranglée. Elle se déroba, courut précipitamment chez Tournoël. D'une voix essoufflée par le battement du cœur, elle lui annonça la nouvelle, le visage de l'officier pâlit, se contracta durement. « Et que comptez-vous faire ? » dit-il en lui prenant les mains. « T'aimer ?» D'un mouvement effrayé, qui implorait protection, elle se jeta dans les bras où elle avait tout abdiqué, si blottie comme pour fuir une puissance hostile qui aurait tenté de l'en arracher.